Albert Patin de la Fiselière, Les Souvenirs. Combien j'ai douce souvenance de nos amours, ô ma Clémence, ces jours à jamais effacés, j'y pense. Où sont nos coïtes insensés, passés? Te souvient-il lorsque ma pine, luxurieuse et libertine, entre tes lèvres se glissant, coquine, tu me suçais en rougissant souvent. Dis-moi, te souvient-il encore de ces caresses que j'adore? Ma langue avide, en frémissant, dévore ton clitoris rose et d'ardent sanglant. Te souvient-il du tour agile, de notre tête bêche habile, quand ma langue, du cul au con, docile, répondait à ton postillon mignon? Te souvient-il de ta sœur Luce, qui me branlotait le prépuce, tandis que toi tu lui mettais, en puce, ta langue au con et lui faisais minet. Oh, qui nous rendra nos fouteries, nos jouissances, nos orgies? Oh, qui nous rendra ces amours jolies, qui doraient nos nuits et nos jours, toujours?